poisson, la poinçonneuse, fait du tricot pour son moutard, qui sera plus tard un chevrière. Dans ses études, tout marche bien. Il est noté très bon élève, et à coup sûr prendra la relève de son papa mort sous un train. Un beau jour, c'était fatal. Malformation congénitale, insatisfaite de son élu, madame, sa femme, le fait cocu. Abusé, vidé et gris, il se noie alors dans le martini, mais ressuscite le jour suivant pour détourner le barrican. Trois ans de placard près de Honfleur, le revoilà mes contrôleurs, et comme sa vieille maintenant traitée, fait des petits trous dans l'étiquette.